Merci d'écouter la première. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Brexit means Brexit. Cette semaine, histoire d'une séparation. Si un membre majeur dit à la majorité, en somme, bah nous on s'en va, ça veut dire qu'il y a aussi un problème chez nous. De l'après-guerre aux lendemains incertains. Le Royaume-Uni, c'est le premier pays à entamer la révolution industrielle, à entamer l'industrialisation. C'est finalement la conséquence, le premier pays aussi qui a des territoires industriels qui sont en difficulté. Brexit means Brexit. L'épopée du Brexit. C'était le refus de voir la vie de cette île conduite à partir de Bruxelles. The British people took in a referendum. On a trop tendance à caricaturer les Brexiteurs comme, en gros, des demeurés. The UK has voted to leave the European Union. Aujourd'hui, suite de notre semaine consacrée au Brexit, autour du numéro spécial qu'a fait paraître la revue Outre-Terre, revue de géopolitique, dans un numéro spécial paru à la fin de l'année 2016, consacré à ce sujet. Avec aujourd'hui Michael Corinman, directeur de la revue Outre-Terre, et Marie-Claude Esposito, spécialiste de civilisation britannique dans le domaine spécifique de l'économie, sans oublier l'histoire. Michael Corinman, le vote en faveur du Brexit, c'est en effet, vous l'avez écrit, une claque vis-à-vis de l'élite autochtone, mais pas seulement de l'élite autochtone, on peut dire d'un grand nombre d'observateurs. On va essayer peut-être avec vous de lister cette part d'étonnement. Votre étonnement personnel, vous êtes en juin 2016 surpris par ce résultat ? Ah non, alors moi j'étais pas surpris. Non. Je mentirais en vous disant que je pensais que Trump allait gagner parce que j'étais simplement comme ça, un peu perplexe. Mais alors là, je suis pas du tout surpris. Je veux dire, c'est au contraire l'événement qui m'a le plus rassuré, enfin conforté. Sur votre lucidité. Dans ma conviction que, d'ailleurs toute l'histoire montre qu'ils étaient toujours un pied dedans, un pied dehors, on avait bien compris, et on se souvient de Margaret Thatcher, enfin tout ça, tout autant de gens pour lesquels moi j'ai une profonde admiration, ce sont des gens merveilleux. C'est nous qui avons jamais compris, ou peut-être on voulait pas comprendre. Vous étayerez ce point de vue si vous le voulez bien, mais je vous laisse oui, poursuivre. Oui, je vous en prie. Alors, moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est ce refus chez les commentateurs d'accepter que quelque chose puisse être anti-téléologique, vous voyez ? Ça se passe pas comme je croyais. Alors ça, c'est une... C'est pas télégénique du tout. C'est une déception, mais véritablement fondamentale. Soupe à la grimace. Soupe à la grimace, et ça aurait dû nous interroger déjà, on va y revenir tout à l'heure, je pense, énormément sur l'Europe qu'on était en train de construire. Parce que si un membre majeur dit à la majorité, en somme, bah nous on s'en va, ça veut dire qu'il y a aussi un problème chez nous. C'est-à-dire que je remarque, moi, que par exemple, il y a très peu d'articles sur comment les Britanniques voit l'Union européenne s'entre-déchirer actuellement. Nous sommes toujours à faire la nique aux Britanniques. Ben voilà, regardez, ils ont des problèmes, ils n'ont pas prévu ceci ou cela. D'accord. Mais quand je vois la férocité du débat, puisque je vis à Rome, entre Italiens et Français aujourd'hui, je me dis que pour un Britannique, ça doit lui faire un effet tout à fait réconfortant. Heureusement qu'on est sorti de cette histoire absolument affreuse. Et quand on a fait ce numéro Brexit, qui est un gros numéro, hein, je sais plus, c'était 400 pages, chose comme ça, j'ai eu un peu des problèmes dès le début à le faire. Marie-Claude a été Esposito, elle est véritablement la chef des études britanniques contemporaines en France. Il n'y a absolument aucun problème. Les difficultés, c'était que vous trouviez majoritairement des gens qui n'écrivaient que dans un sens. Pas que majoritairement. Exclusivement. Exclusivement. Ouais. Et ça m'a amusé en même temps, c'était intéressant. Révélateur. Hein. Parce que voilà, si vous regardez ce numéro, vous allez voir que d'abord, tous les points de vue, mais ça c'est en géopolitique, hein, on juxtapose des points de vue contrasté, et surtout, on ne prend pas position. On ne doit pas prendre position. On pose l'un à côté de l'autre. Ensuite, le lecteur, il vote pour qui il veut. Ça, d'ailleurs, moi-même, pourquoi je serais pour le Brexit ou quand je ne suis pas britannique et je ne vote pas au Royaume-Uni. Donc, pourquoi ? Et je me suis aperçu que c'était très difficile, je ne sais même pas s'il y a un auteur, à part Marie-Claude qui, elle, est totalement objective, mais je ne sais pas si on a beaucoup d'auteurs. La réflexion, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, donc je ne me souviens plus exactement, mais si j'ai trouvé même quelqu'un pour dire « Ah ben oui, le Brexit, c'est une bonne idée, etc. » Donc j'étais content de faire la préface, mais parce que ça me permettait d'un peu essayer de rééquilibrer. Alors, là où ils sont tous très forts, tous les auteurs de ce numéro, je m'incline, c'est eux, les vrais, ils ont fait leur carrière là-dedans, et c'est leur discipline, c'est qu'on a fait tourner les points de vue. C'est ce que nous appelons en géopolitique le tourniquet des points de vue. Alors, vous avez le point de vue écossais, qui est parfaitement présenté, le point de vue gallois, le point de vue londonien, on a fait tourner, c'est-à-dire que le lecteur peut... dans sa propre tête, juxtaposer les argumentaires des uns et des autres. Et ce qu'est le paysage multiple d'un Royaume-Uni ? D'un royaume, oui. Mais qui est varié, on va dire. Mais très varié. Très varié. Très, très varié. Et après, alors ce qu'on a fait, on a rechangé d'échelle en regardant comment le Commonwealth, par exemple, comment, je sais pas, en Afrique ou en Australie ou je ne sais où, on voyait cette histoire du Brexit. D'ailleurs, j'ai pu constater, mais ça c'est pas dans ce livre, mais je l'ai constaté après, je ne sais pas si vous savez que les Australiens sont beaucoup plus pro-Theresa May, ce qui n'est pas difficile, que les Britanniques. Ah, les Australiens, ils sont en rang serré. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont évoqué un temps l'idée de devenir une république, et puis ça s'est perdu dans les méandres. On en a plus reparlé. Alors ça, c'était aussi très, très intéressant de voir comment les Américains voyaient le Brexit. Est-ce que, quand même, pour la special relationship, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on a fait tourner, et ensuite, on est allé aussi dans d'autres pays européens, dans ce volume, pour voir comment c'était perçu par les Allemands, par toute une série de gens. The British people took in a referendum. Should I stay or should I go? Au moment du Brexit, vous avez le Parti conservateur, vous avez le Parti travailliste, où là, le Parti travailliste est plutôt pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais où le chef n'est pas d'accord, le chef Corbyn, donc n'est pas d'accord, donc c'est un autre problème. Et vous avez un autre parti qui est en pleine ascension, même s'il n'a pas beaucoup de sièges au gouvernement compte tenu du système électoral, c'est UKIP. Je sens qu'ils vont regarder extrêmement à droite là quand voilà. Vous citez ça. Donc c'est un pour parti rappel, oui. Qu'on dirait populiste et qui est avec à sa tête un tonitruant personnage. Farage. Voilà. Nigel Farage. Voilà, donc vous avez ça. Et puis vous avez aussi quelques verts, enfin bon, mais en gros l'échiquier c'est 3 partis. Au niveau national. Sur ce point-là, ce qui est relativement difficile ou délicat ou complexe à saisir, c'est le fait que, à l'intérieur d'un même ensemble, il puisse y avoir des voix à ce point divergentes, voire opposées, et que ce n'est pas seulement le fait d'un seul parti, c'est que dans beaucoup de partis, on retrouve un peu ces contradictions. Y a-t-il une forme de ligne de partage des eaux claire, transcourant, disons? Comment ça s'explique, ça? Comment ça se lit? Oui, alors, jusqu'ici, il y avait 2 grands partis, les conservateurs d'un côté et les travaillistes. C'est un régime parlementaire, un vrai régime parlementaire, c'est-à-dire que le Parlement britannique a beaucoup de pouvoir, hein, c'est pas du tout un système comme la France. Le Premier ministre a certes beaucoup de pouvoir, mais il en a bien moins que le président de la République française. On est vraiment dans un système biparti. Mais là, depuis récemment, et notamment depuis le référendum, la situation une poule n'y retrouvera pas politique est complètement modifiée. Alors ça, je l'avais un peu repéré, mais je n'ai pas l'explication. C'est quoi la nature de ce bouleversement-là? Ce qu'ont voté, c'est le résultat des votes. Par exemple, je vais prendre le cas de l'Écosse. En Écosse, c'était le parti travailliste qui était le parti dominant. Aux dernières élections, ça a été le SNP, c'est-à-dire le Scottish National Party, qui est devenu dominant. l'Europe a toujours été source de division au sein des partis. C'est ça, voilà. Et alors, suivant les moments, vous avez un parti conservateur qui a été plus pro-européen que le parti travailliste, et puis ensuite, ça peut changer. Par exemple, historiquement, si on recommence à partir des années 70, 70-74 sont les conservateurs qui sont au pouvoir, le Premier ministre est Heath. Edward Heath. C'est un... Qui n'est pas que chef d'orchestre, mais également Premier ministre. Oui, c'est un... C'est le plus pro-européen des premiers ministres qu'ait eu la Grande-Bretagne. Il va arriver à emmener la Grande-Bretagne dans, enfin, le Royaume-Uni dans l'Union européenne, dans le cadre du premier élargissement. Le Royaume-Uni rentrera dans l'Union européenne en 73 avec l'Irlande, la République irlandaise, et puis le Danemark. Il perd le pouvoir en 1974. Ce sont donc les travaillistes qui reviennent au pouvoir, sous la direction d'abord de Wilson, puis ensuite ce sera James Callaghan qui sera le Premier ministre. Et Wilson, lui, à cette époque-là, il est en butte à un conflit assez important avec l'aile gauche du parti, des gens comme Tony Benn. Et donc... il s'engage à vouloir renégocier le traité. Edward Heath l'avait amené. Voilà. Ce qu'il va faire, il va obtenir quelques concessions, il va juger qu'elles sont suffisantes pour pouvoir organiser un référendum. Le référendum aura lieu en 75, et là, le peuple se prononce massivement pour rester dans la communauté européenne. Je ne me souviens plus exactement du pourcentage, mais je pense que c'était autour de peut-être un peu plus de 75%. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut penser que Cameron a voulu peut-être refaire le coup de Wilson. Sauf que là, lui, ça ne lui a pas vraiment réussi. Should I stay or should I go? Histoire vivante. If you say that you are mine. Cette semaine, histoire d'une séparation. So you got to let me know. L'épopée du Brexit. Should I stay or should I go? Marie-Claude Esposito, j'ai été surpris en vous lisant. On est en 1951, on est 6 années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les Anglais refusent de participer à la CEE. Autrement dit, les alliés d'hier se retrouvent le lendemain matin ou le lendemain après-midi déjà en désalliance. Mais qui est-ce qui s'oppose à ce moment-là à cette intégration-là? Est-ce une élite britannique? Est-ce ce gouvernement de l'époque, début des années 50? Tandis qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un vote qui répond. Cette époque, le Royaume-Uni a encore un empire important. Et je pense que sur l'échiquier politique, que vous soyez appartenez au parti conservateur ou que vous appartenez au parti travailliste, il n'est pas question à cette époque-là de brader l'Empire. L'idée de décolonisation n'est pas perçue comme telle au tout début des années 50. Ça commence à s'effriter, mais... Ça fait longtemps que ça tient. Voilà. Mais bon, on est encore dans cette phase-là. Donc je pense que ça, c'est vraiment, si on revient au, vous savez, aux trois cercles de Churchill. Churchill avait dit, après la guerre, il avait fait un discours, je crois que c'était en 1946, où il avait parlé de trois cercles. Le Royaume-Uni tend à l'intersection de trois cercles. L'Europe, les États-Unis et l'Empire. Donc, à cette époque-là, le cercle Empire est encore un cercle dominant. Vous avez consacré, Marie-Claude Esposito, un chapitre dans ce numéro d'Outre-Terre sur lequel nous nous appuyons pour faire cette semaine Brexit, chapitre intitulé « Brève chronologie ». Et en le parcourant, la somme des événements qui s'enchaînent laisse vraiment songeur. Should I stay or should I go? L'Europe, on a l'impression, moi c'est comme ça que je me le suis écrit, c'est du séisme politique en permanence. Oui. Et oui. Oui, puis bon, de temps en temps, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Notamment quand on a voulu passer à l'union économique et monétaire. Et je crois que c'est là où ça va commencer à déraper, vous voyez, ça va commencer à déraper avec Maastricht. Quand on veut créer une zone monétaire, alors que on n'a pas fait d'intégration politique, et que finalement tous les pays vont vouloir garder le contrôle sur la politique budgétaire. Mais une zone monétaire optimale en économie, pour que vous ayez une monnaie unique, il faut qu'il y ait un gouvernement unique et qui ait à la main mise sur la politique monétaire et la politique budgétaire. Hola. Come stai? Bonjour. Das Geschenk. Peut-on dire, Marie-Claude Esposito, qu'il y a une bataille que les Britanniques ont gagnée vis-à-vis de l'Europe? C'est celle de la langue. Thank you. Une grande partie des écrits, comme une grande partie des échanges, est quand même dans ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de globish, qui est un anglais passe-partout. Est-ce que vous diriez que la Grande-Bretagne a tout de même réussi cet incroyable tour de force d'arriver à proposer, imposer, faire en sorte en tout cas que ça soit leur langue? Qu'ils soient beaucoup utilisés. Mais on pourrait comparer avec la France. Ils sont un partenaire difficile dans l'Union européenne depuis le début, alors avec des périodes où ils sont plus difficiles qu'à d'autres. La fièvre monte et baisse. Mais, ça m'a toujours frappé. Si vous comparez à la France, eux, ils sont très présents à Bruxelles. Ils vont aux réunions. Ils ont toujours été un modèle pour transcrire la législation européenne dans leur propre droit, ce qui n'est quand même pas le moindre paradoxe. Alors que les Français sont pas assez présents à Bruxelles, sont toujours à la traîne pour transcrire la réglementation de Bruxelles dans le droit français. C'est quand même intéressant. Dans un autre domaine, le domaine de la recherche, qui est quand même un domaine que je connais bien, les Britanniques sont extrêmement forts pour obtenir des fonds de Bruxelles pour financer leur recherche. Ils savent faire des projets d'une manière très efficace. D'où la grande panique du moment. Ah oui, là, mes collègues britanniques sont complètement déroutés. Ils savent pas comment ils vont s'en sortir. Alors, bien sûr, le gouvernement dit qu'ils vont obtenir des fonds du gouvernement, mais la situation budgétaire de la Grande-Bretagne n'est pas très, très positive. C'est à votre tour d'employer la litote. Michel Corinman, comment l'élite britannique perçoit-elle le Brexit? Pour ceux qui seraient du côté des Remain, dont il faut rappeler que c'est ceux qui souhaitent rester dans l'Union européenne, contre les Brexiteurs, lesquels sont relativement variés, mais l'élite, disons, favorable à l'idée de rester. Comment s'est-elle préparée? N'a-t-elle rien vu venir, telle Anne Masseran? Je pense que chez nous, c'est évidemment pire, parce que nous, on aurait dû être plus neutre quand même dans cette histoire, alors que vous vous souvenez surtout... Nous, les continentaux, vous voulez dire. Continentaux, oui. Ça, c'est pareil en Italie. Hein. Surtout, on ne va pas croire que ça fait une différence. Moi, je regarde, comme je vis à l'étranger, je regarde les télés françaises parce que je veux savoir ce qui se passe chez moi. Mais je regarde aussi beaucoup de télé, la télé russe, la télé... Enfin, bon, et c'était général. C'est-à-dire que d'abord, les gens n'y croyaient pas. Mais surtout, je me répète, parce que je le martèle, c'est très important. L'immense majorité des commentateurs... qu'on ne sortait pas de l'Europe, de l'Union européenne. Vous voyez, ça, c'était religieux. Il y avait quelque chose de doctrinal et de dogmatique. On ne peut pas sortir de l'Union européenne parce que l'Union européenne, c'est ce vers quoi on est censé de toute façon aller. C'est-à-dire la raison transcendantale, ensemble, kantienne, nous mène à l'Union européenne. C'est tout de même un héritage culturel que la transcendance en Europe. Ça a remplacé un peu la religion, d'ailleurs. Les européistes, qui, à mon avis, ont fait beaucoup de mal à l'idée d'Europe, qui, moi, par exemple, m'est chère, puisque je vis dans plusieurs pays, je pense que les europhiles religieux, doctrinaux, ont fait énormément de mal à cette idée, et que les premiers à avoir ruiné plus ou moins l'idée d'Europe, ce sont toutes ces fondations qui sont payées par vous et par moi, quoi, c'est-à-dire par nous tous. Robert Schuman, etc., qui sont, eux, alors véritablement en pleine religion. Alors, je crois que le Brexit, ça a été le moment où les gens se sont dit « alors, on peut sortir ». Ça, c'était vraiment un moment très fort. Mais il y a la singularité des Britanniques, mais il y a aussi l'idée, alors on peut ne pas être d'accord avec tout ce que, d'abord, les Américains nous ont obligés à faire, puisque si vous relisez Pierre Mélandry, mon collègue de Nanterre, il a fait 20 livres là-dessus, vous pensez comme les Français avaient envie de se marier avec les Allemands en 46. Bon, enfin, s'il n'y avait pas eu les Américains pour amarrer la future Bundesrepublik de 49 à nous, jamais on l'aurait fait. Donc, ils nous ont forcés. Mais ensuite, à partir de 57, l'idée, c'est véritablement... on va créer ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire humaine, ce qui empêche les guerres, ce qui... D'ailleurs, c'est un peu vrai, d'une certaine manière. Mais enfin, bref, on était en religion. Arrivent nos amis britanniques avec leur exceptionnelle singularité. Nous, on n'en veut plus de votre construction. Ça nous fait perdre de l'argent. Nous, on est global. Nous, on est liés aux États-Unis. Nous, on est encore dans toute l'Asie du Sud-Est, etc. Vous êtes qui, vous, et qui sommes-nous? Alors ça, effectivement, ça a troué, comme diraient les lacaniens, les psychanalystes, ça a troué notre imaginaire. Là, on a découvert que peut-être on n'y allait pas si évidemment que ça, qu'il y avait des débats possibles. Should I stay or should I go? Brexit means Brexit. Should I stay or should I go? On se rend compte, Michel Corinman, qu'il y a là encore, pour reprendre l'idée de Lille, aussi une confrontation des représentations entre être un continental et être insulaire. Y a-t-il là aussi, selon vous, nature à frottement, à opposition? De fait, être rattaché à un continent peut sans doute entraîner un sentiment inexorable de dépendance à l'autre, un rattachement terrestre aux autres. Alors, ça, c'est possible, encore que maintenant qu'il y a le train, là, vous voyez, on est de plus en plus... On ne le voit pas. On ne le voit plus. Moi, je il existe, mais on ne le voit pas. Je crois que c'est un sentiment impérial. Impérial. Oui. D'ailleurs, je me souviens d'avoir lu, je ne sais plus qui avait écrit un livre sur Tony Blair, pour lequel je n'ai ni sympathie ni antipathie, et qui disait que dans l'esprit de beaucoup de Britanniques... l'Amérique, c'est encore leur vassal, tu vois, qu'il y aurait une vision britannique des États-Unis comme d'une espèce d'immense armada technologique, cyber, etc. Mais qu'en définitive, ceux qui tiennent encore les coudées, si vous voulez, ça serait eux. Je pense que c'était déjà très important quand cet article est sorti, et ça reste dans la tête de beaucoup de monde au Royaume-Uni comme ça. Histoire vivante. Marie-Claude Esposito, quand on parle d'identité, pour Michel Corinman, la notion de l'île compte tout de même pour beaucoup. Être entouré d'eau, oui. Ce n'est pas tout à fait pareil qu'être continental. Il a raison, il a complètement raison. Ce pays n'a pas été envahi depuis 1066. C'est-à-dire la date où Guillaume le Conquérant est arrivé en Grande-Bretagne. Moi qui ai nagé dans la Manche, je vous garantis qu'il y a des contre-courants, hein, oui. Et l'eau est froide en plus. l'insularité... conforte le sentiment de forteresse. Oui, ouais. Tout à fait. Soit c'est des très grands espaces et des hivers rudes. Oui. Vous voyez ce que je pense, oui, du côté de l'Est. Oui. Soit effectivement l'eau. Oui. Il faut rappeler que dans le cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, des écoles dites Napola en Allemagne, ces écoles, alors qu'on est en pleine guerre, font venir certains membres de l'élite britannique pour montrer aux futurs dignitaires nazis le modèle, la forme, l'idéal de l'élite, ce qu'est l'élite. J'avais été frappé par cette façon d'amener... le bon profil de l'élite, c'est l'élite britannique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je suis assez convaincu. D'ailleurs, toute ma génération a vécu là-dedans. Enfin, l'idée de l'Angleterre sous les bombes, etc. Le type avec son parapluie qui va faire ses courses. Enfin, je veux dire, ça nous a tous marqués. On sait, si vous faites la comparaison de l'armée française qui a tenu 5 semaines, c'est-à-dire autant que le ghetto de Varsovie, quoi. Bah, il faut dire les choses dans quel sens, c'était 5 semaines aussi. Et alors que ces Anglais continuent à résister de manière imperturbable, c'est sans doute un cliché, bien sûr, mais enfin, ça nous a tous quand même beaucoup frappés et formés aussi dans notre propre imaginaire. Je crois qu'il y a une force britannique. C'est pour ça aussi, vous voyez, quand tout le monde rit, Boris Johnson, etc. Oui, mais en attendant, il y a quelque chose d'imperturbablement inflexible sur la britannicité chez eux. D'ailleurs, peut-être qu'on verra à l'avenir, puisqu'à mon avis, les choses vont maintenant passablement se gâter, on verra qu'il y a des pays qui résistent plus que les autres, à mon avis, à cette dérive historique que nous sommes en train de vivre. Et je le sens, puisque je voyage beaucoup. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Était avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré au Brexit, Michael Corinman, directeur de la revue Outre-Terre, et Marie-Claude Esposito, spécialiste de civilisation britannique dans le domaine spécifique de l'économie. The UK has voted to leave the European Union. Vous trouverez toutes les références consacrées à ce numéro de la revue Outre-Terre consacré au Brexit sur le site d'Histoire Vivante. Should I stay or should I go? Demain, y a-t-il un pilote dans l'avion et comment la City ainsi que les élites se positionnent, anticipent une décision encore incertaine. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Split. Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.